Le représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU a adressé le 22 mars une lettre au secrétaire général des Nations Unies relativement aux manœuvres d'envergure américano-sud-coréenne qui aggravent la tension de la péninsule coréenne au seuil de la guerre. Il écrit en détail l'envergure, l'objectif et le caractère dangereux des manœuvres américano-sud-coréennes, avant de rappeler qu'il a déjà porté une plainte le 6 mars au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur de l'examen urgent du problème, mais qui n'a pas encore reçu la réponse. Et d'indiquer « Le Conseil de sécurité tourne le dos à notre plainte, mettant en cause les manœuvres militaires conjointes de nature agressive, alors qu'ils cherchent chicane aux exercices normaux de notre armée sur notre territoire. » Il s'agit d'exemples de doubles critères et de partialités odieuses extrêmes. Nos mesures régulières de renforcement de la capacité défensive sont destinées à préserver la souveraineté nationale contre les menaces et chantages nucléaires incessants des États-Unis. Même les pays voisins s'inquiètent aussi du caractère agressif et du risque des manœuvres américano-sud-coréennes. La communauté internationale équitable estime que le présent simulacre de guerre nucléaire sans précédent dans son histoire est la source qui nous pousse à la mesure ultra dure. Nous vous demandons de réveiller l'attention du Conseil de sécurité sur le risque des manœuvres américano-sud-coréennes qui constituent une menace nette pour la paix et la sécurité internationale selon l'article 99 de la Charte de l'ONU. Nous croyons que c'est l'exigence de la Charte de l'ONU et en même temps qu'il s'accorde entièrement à la mission du secrétariat des Nations Unies pour qui sont vitales l'impartialité et l'indépendance. Pour finir, le destinataire exprime l'attente que le secrétaire général de l'ONU, qui a prêté le serment d'être fidèle à la Charte de l'ONU, répond positivement à l'appel sincère de la Corée.